J'ai eu le droit aux funérailles nationales, je vous prie, fleurs, photos et grosses médailles, exhibées à tout Paris. Avouez que c'est pas banal, un Dupont qui trépasse, ça explique tout ce carnaval, mais tout ça, ça me dépasse. Mon seul grand rôle à la télé fut Dupont avec un T. Dans la série des Tintins, j'ai joué un chauveux crétin. À part ça, je regrette rien, je n'en veux à personne. Je pars d'ici, qu'on me pardonne, je ne suis qu'un comédien. Plein de rhumatisme et d'arthrose, je suis mort d'une cirrhose. Une femme de gosse, trois raisons de boire pour sûr, j'avais pas la virose. Tous les focus et mes amis étaient tous là réunis. J'ai laissé une veuve éplorée de ne plus pouvoir me tromper. Devant le beau cercueil béant de compassion, j'ai eu le droit à l'Ave Maria en chorale. C'était vachement beau et en guise de conclusion, une panoplie d'éloges funestes en intégrale. C'était un homme généreux. Pas vraiment, j'ai pas donné un copec au clodo du quartier et mon beefsteak. Je le mangeais à la fenêtre sous ses yeux. Ah, les petits plaisirs des jours heureux. C'était un homme gentil. Grand Dieu non, fallait voir mon humeur. J'aimais faire du boucan à pas d'heure, me balader, soulever les jupes des filles. Faut pas me faire chier, même pour des potilles. C'était un homme toujours serviable. Que dalle, je préférais n'aider que moi. Mon ego était aussi gros que ça. Au dîner, je me faisais servir à table. J'étais, comment dire, innommable. C'était un homme fidèle. Ah, ça oui, hein. Mais je n'en dirai pas autant pour ma femme, qui s'est tapée. Et le boucher, et le boucher, et le charcutier, et le charcutier, et le dentiste, et le dentiste, les communistes, toutes mes finances, le 15 de France, le 15 de France, ouais, wow. Le 15 de France. Mon pauvre gars. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'y crois pas. Bon, on reprend au début, ouais, là, ouais, ça me fait plaisir. Ouais. J'ai eu droit aux funérailles nationales, je vous prie, leurs photos et grosses médailles, exhibées à tout Paris. Avouez que c'est pas banal, un Dupont qui trépasse, ça explique tout ce carnaval, mais tout ça, ça me dépasse. J'ai loupé ma vie.